maintenant. Salut, c'est Célasou. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Célasou. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap, Célasou. C'est maintenant sur Skyrock. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Passez une bonne soirée. Bienvenue en ce lundi soir. Nous sommes ravis de l'accueillir de retour dans le studio de Planet Rap. Comment va Célasou? Bonjour. Bonjour, comment ça va, Céla? Ça va, très bien, un petit peu fatiguée. Mais ouais, ça va. Je pense qu'en ce moment, le rythme est infernal. Oui. Tu avais perdu ce rythme, t'étais bien là sur ces derniers mois, non? Oui, dernier mois, avant la sortie. Hein. Avant la sortie, là, ça y est, c'est promo, c'est balade dans l'Europe. Promo, dans chaque jour, ouais. Chaque jour, je n'en peux plus. Ouais. Bon, on va passer une semaine ensemble, en tout cas, je suis content de te retrouver. Ah, voilà, moi aussi. Ça fait plusieurs années, déjà, on avait découvert ton premier album qui a fait un véritable carton, porté notamment par le morceau Ragamuffin. Mm-hmm. Là, t'es de retour avec un nouvel album qui sortira dans une semaine, pile poil dans une semaine, le 30 mars prochain. Sortie de cet album, on va en parler évidemment toute la semaine avec toi. Et juste avant de débuter, petit medley, retour sur ta carrière en musique maintenant. Célasou, ça donne ça. Planet Rap. Planet Rap, c'est la sou. C'est la sou. Ce soir, Planet Rap. Avec Célasou sur Skyrock. Voilà, Célasou en medley, en son, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Et le nouvel album qui s'appelle Reason, je le prononce bien? Oui, Reason. Parfait. Oui, je rappelle que si tu parles aussi bien français, c'est parce que tu viens de pas très très loin non plus par rapport à la France. Oh oui, tu... mais je parle flamand, hein, français, c'est vraiment difficile. Mais non, tu arrives bien, en plus je trouve que t'as progressé encore. Ok, voilà, merci. Non, c'est bien? Non, pas. Ah, toi, je pense non. Pas. Tu as perdu mais... un peu? Oui, parce que j'étais pas beaucoup à France hein, les années passées. À France? Tu n'étais pas à France? Pas, pas à France. Pas beaucoup à France. Qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs durant, allez, on va dire, depuis la sortie du précédent album? Il y a 4 ans en tout hein, qui se sont écoulés, hein, mine de rien. Oui. Donc il y a eu forcément beaucoup de tournées, tu as beaucoup tourné, beaucoup oui, joué. Oui, beaucoup tourné. Joué aussi pour 2 ans et demi. 2 ans et demi de tournée. Oui, tournée, ouais. Et alors, quand on revient à la maison, ça fait du bien? C'était 4 mois à la maison et j'ai écrit beaucoup de chansons là-bas. Et après ça, j'ai. I waited, j'ai attendu, c'est quoi? juste. C'est ça, Audrey. J'ai attendu. Audrey qui est là en renfort, hein, qu'on salue. Salut Audrey. Salut Audrey. N'hésite pas à intervenir d'un seul coup si elle se transforme en Jean-Claude Van Damme, tu vois, tu peux faire la traduction. Ok, pas de soucis. Donc là, oui, tu as donc été 4 mois à la maison, tu as écrit un petit peu. Oui, écrit un petit peu. Et après ça, j'ai attendu. Depuis un an pour les producteurs. Donc, c'était pas facile. Attendre tous les mois. Tous les sons qui arrivaient, cet album, tu l'as fait. Il a voyagé aussi cet album, hein. Tu l'as fait en Jamaïque, tu l'as fait Angleterre aussi à Londres. Oui, voilà. Los Angeles. Oui, aussi. Belgique, non? Belgique aussi, oui. Belgique, France. France. Pas vraiment France, non. D'autres pays que tu as voyagé, qui t'ont permis de voyager autour de cet album? Pour cet album, c'était Jamaïque, ouais, Londres, Los Angeles et Belgique. Non, c'est les quatre pays. Voilà, c'est les quatre pays qui forment cet album. Quel bilan déjà tu tires du premier, du précédent album et de la tournée? Quel est ton bilan personnel après toute cette aventure? C'est quoi bilan, Audrey? Ah, Audrey, comment on peut traduire bilan personnel? Merci Audrey. Merci Audrey. Non mais merci nous raconte... Audrey. Alors attends, je vais essayer peut-être de prononcer autrement. Comment tu peux nous expliquer ce que tu as vécu durant ces 4 dernières années, toi? Ce que tu en as tiré, ce qui t'est arrivé. OK. Je pense juste voir le monde, c'est fou, hein. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Quelques années, j'ai vu tout le monde. Donc c'était formidable et aussi c'était beaucoup moments happiness, a lot of moments of happiness last year. Donc de bonheur, de joie. Yeah. De bonheur, voilà. De joie au cours des années. Ouais. Voilà, ça a été des super moments, des rencontres, des stades remplis, des salles de concert, des festivals. T'as fait beaucoup de festivals aussi. Oui, beaucoup de festivals aussi. Beaucoup de festivals. T'as emmené ta guitare un peu partout, tes musiciens qui t'accompagnaient. Oui, et c'est une famille. Hein. Nous sommes à un tourbus et nous sommes avec 12 personnes sur le bus et c'est vraiment une famille, donc c'est bien ça. Bon, t'auras l'occasion de nous raconter ce qui s'est passé dans ce tourbus. À mon avis, il y a eu quelques petites anecdotes. What happens on the tourbus stays on the tourbus. Yes. Ah, ça reste que dans le tourbus, on peut pas savoir en fait. Non, ok. Bon, on va essayer, on a une semaine à passer ensemble. On va débuter avec un morceau qui s'appelle Alone, c'était le premier extrait celui-ci hein, de l'album. C'est le premier truc qui a été envoyé? Oui. Premier extrait hein, celui-ci. Hein. Ah, je dois chanter? Non, on va le mettre maintenant. Ah oui, oui. On l'écoute? Ah oui. On l'écoute, tu nous en parles après? Oui. Allez, parfait. C'est parti, Alone, c'est la soue avec nous. C'est Selassou, notre invité toute la semaine, entre 20 et 21. L'album sort pile poil dans une semaine. On est à 7 jours de l'album. On sent comment d'ailleurs, 7 jours avant la sortie, Sela? Est-ce que tu te sens bien, détendu, détendu, heureuse par rapport à cet album? Je sens bien. Tu sens bien? Oui. Ouais. Oui, bien. Pas trop. Mais aussi relaxed. Ouais, relax. Je pense que c'est important, mais c'est mon personnalité aussi. Je suis jamais vraiment stressée. C'est vrai, rien ne te stresse. Non, pas vraiment. Non, yeah. t'es pas un peu tendue en disant mais comment est-ce que les gens vont percevoir cet album? Comment? Oh, mais moi-même, je suis sûre de l'album, donc. Et je suis aussi vraiment réaliste. C'est probablement c'est une grande chance que big chance que l'album va pas sell a million records again. Mais je suis cool avec ça. Je pense que l'album est mieux que le premier album. Donc oui, peut-être qu'il en vendra 2 millions. Non, c'est bien, hein, mais je pense pas, non. Bah attends, c'est toujours bien, ça fait plaisir. C'est vrai que le premier était un gros carton, celui-ci quand même risque d'être aussi un gros carton. Hein. Peut-être. C'est un bel album, celui-ci. Oui. Non, il est un peu plus, je sais pas, musical, densifié. Il y a plein de choses différentes sur cet album. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est plus âgé, it's smarter, wiser. Oui, c'est ce qu'on appelle la maturité. Oui, la maturité. L'album de la maturité. Voilà. Pour toi, c'est de raison. De raison, voilà, d'où le nom Reason. Un petit mot par contre sur Alone qu'on écoutait à l'instant. Il y a une version, et d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler cette semaine avec Gizmo, qui a été faite pour Skyrock. Mm-hmm. On te remercie. Et comment il est né ce titre, Alone? Je crois qu'il a une histoire un peu particulière justement, celui-ci. J'ai écrit la chanson, mais dans le début c'était vraiment une chanson vraiment mélancolique et vraiment lentement, et parce que les paroles sont vraiment mélancoliques. Hein. Mm-hmm. Mais j'ai écrit ça à Los Angeles quand j'étais vraiment seule. J'ai fait beaucoup de promos à Los Angeles et Amérique et j'étais vraiment seule. Donc voilà, j'ai écrit la chanson là-bas. C'était pas au moment aussi où je crois que Whitney Houston nous quittait? Oui, c'est mais ça? C'est juste coïncidence. C'était une coïncidence, ouais, ça avait rien à voir en particulier. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est un moment donc en promo, donc un moment de solitude à Los Angeles. Oui. D'où le titre Alone. Voilà. Est-ce que ça va mieux là? Oui. Tout va bien? Maintenant? Oui, t'es bien entouré, tout va bien. Ah oui, maintenant je suis très bien. Mais c'est vrai qu'il a un petit côté festif quand même, Alone. Même si les paroles sont mélancoliques, il y a un côté festif quand tu l'écoutes. Oui, mais c'est cool, la contradiction, j'aime ça. J'aime vraiment avec paroles vraiment dark et mélancoliques. Et la musique up-tempo, c'est une bien, j'aime ça. Qui a bossé, on va dire un mot sur cet album, qui a bossé avec toi? Il y a eu deux producteurs principaux hein, sur cet album. Oui. Les gens qui ont bossé avec toi. Et pas des moindres, c'est des grosses pointures hein, les gens qui ont bossé avec toi sur cet album. Bosser, c'est quoi? Travailler, work. Work with you on this album, the producer. Oui, c'était Ludwig Göransson et Robin Hannibal. Hein. Mm. Et il a fait Childish Gambino. Mm. Vraiment bien. Le rappeur, Childish Gambino. Vraiment ouais. Bien, rappeur. Et aussi, Robin fait Kendrick Lamar, une chanson. Vraiment cool, Bitch Don't Kill My Vibe. Donc voilà, vraiment des producteurs hip-hop avec cool beats. Oui, c'était cool. Ouais, c'est un petit peu la recette aussi, voilà, de cet album, c'est d'aller piocher un petit peu. Mais ça, tu le faisais aussi, d'aller piocher sur ta culture musicale. Il y a pas mal de sonorités hip-hop. Mm-hmm. Il y a un petit côté jamaïcain. Enfin, il y a côté pop aussi sur cet album. Ouais. Tu t'es entouré de. C'était toi qui as choisi les producteurs ou c'est des gens que tu as pu rencontrer lors de tes 4 ans Oui, Ludwig, j'ai rencontré avec dans une session pour juste faire une chanson. Et c'était vraiment une bonne clique. Donc voilà, c'était Ludwig. Et Robin m'a donné le disque. Comment tu dis ça? My record label. Ouais, ton label. Ton label. Disque, quoi de disque? La maison de disque. La maison de disque. Ah oui, maison de disque, c'est vrai. Maison de disque m'a, came up with a lot of different options. Différentes options. Mm-hmm. Et voilà, j'ai choisi Robin Hannibal. C'est bien, on n'a pas trop de taf en fait, hein, à faire les traductions, tu fais tout en même temps d'un seul coup. Non, ça va, on n'a pas trop de boulot. Bon, ça s'appelle Reason, cet album de Selassou qu'on va découvrir toute la semaine entre 20 et 21. On va balancer un morceau, peut-être qu'on peut balancer d'ailleurs le titre de cet album, Reason. Oui. Tu veux qu'on l'écoute? Ok. Tu veux nous dire un mot quand même sur celui-ci, sur Reason? Sur Reason? Comment il est né? Pareil, celui-ci, t'étais où alors quand tu l'as fait, quand tu l'as écrit? Oui, Reason, j'ai dit Reason, look at her. Donc je dis à moi-même, Raison, please help me pour contrôler mes émotions. C'est pas facile pour parler très profond en français, mais tu comprends. Hein? Je comprends. Voilà. Je comprends qu'il y a plein d'émotions qui a une âme autour de cet album. Et en voici un extrait, c'est aussi le nom de l'album, C'est la Sou avec Reason. Skyrock et ses Planète Rap avec C'est la Sou, notre invité, entre 20h et 21h dans Planète Rap. L'album s'appelle Reason, le morceau qu'on écoute à l'instant s'appelle Reason également. C'est un album à découvrir toute la semaine avec C'est la Sou, entre 20 et 21. Dans un instant, on va continuer à parler de ce parcours, de ton parcours à toi, C'est là. Mais dans un instant seulement, puisque là, il est grand temps, tiens, je vais te le faire en anglais, comme ça tu vas tout comprendre. Just after commercial break, we come back. Très bien. Très bien. Je suis ici. Oui, tu es ici et ouais. Tu bouges pas. Dans un instant, on va revenir avec C'est la Sou. On vous attend au freestyle de Planète Rap. Allez-y. Inscription 41-759. On revient après ça. L'émission rap de référence. Planète Rap. En direct avec Fred sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec C'est la Sou. L'album sort dans une semaine. C'est la Sou qui est de retour après ses 4 ans d'absence pour nous, hein, même si on a écouté tes morceaux. T'étais pas absente pour tout le monde puisque t'as fait une tournée, on le disait, de 2 ans et demi un peu partout dans le monde entier. T'es revenu avec plein d'expériences. C'est quel pays qui t'a le plus marqué, c'est là, sur toutes ces dates, sur tous les gens que t'as pu rencontrer? Je pense deux extrêmes, Pologne, ouais. Pologne, oui, et aussi Brésil. Pourquoi si on commence par la Pologne, ce qui t'a le plus marqué là-bas? Pologne parce que j'ai jamais fait un promo avant l'album sorti, jamais fait le promo, jamais never been there. Et voilà, j'ai un show là-bas et c'était vraiment 2000 people. 2000 personnes qui knew the record from début jusqu'au fin. Qui connaissaient donc l'album par cœur, tous les morceaux. Et c'était incroyable expérience. Et c'est la même chose à Brésil. Et Brésil, alors, autre atmosphère, je suppose, Brésil. Oui, oui, voilà, l'atmosphère, c'est aussi vraiment chaud là-bas. Donc les gens sont vraiment ouverts et chauds et chantés et bien. Ouais. Ah ben, j'en doute pas un seul instant que tu devais être bien là-bas. Au Brésil, ça devait être très sympa. Très sympa. Bon, et puis tu te souviens de la France quand même, un petit peu. Moi, je t'avais vu au Zénith de Paris, t'avais fait le Zénith de Paris. Oui. Tu le referas d'ailleurs, je crois, c'est au mois de septembre, hein, c'est prévu aussi. Oui. Il y a un Zénith qui est prévu, on en parlera cette semaine aussi. Ouais. Des souvenirs des Français, tu nous aimes bien finalement. Ah oui, toujours. Quand je suis ici, c'est toujours incroyable. C'est vraiment, les gens ici, les Français, ils m'embrassent. Et je I feel really at home en France. C'est la maison. Oui, c'est la maison. T'es à la maison. Ouais. Dans un instant, on écoutera un morceau, tu nous en parleras, c'est avec Childish Gambino dans quelques minutes, un morceau qui s'appelle Together. Yeah. Mais juste avant, il est grand temps de passer au freestyle par téléphone. Freestyle avec Vito par téléphone, Vito qui nous appelle de Rodez. Salut Vito. Salut, ça va tout le monde? Ça va, et toi en pleine forme ce soir dans le planète rap de Célasso? Vito, prêt? Yes, je suis prêt. Tu es prêt à tout défoncer? Ouais, comme d'hab, ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti. Instru d'NTM pour tout défoncer avec Vito maintenant. Vito, Rodez, yo. La base le 11 mai. Ok. Le bonheur est un dieu que peu de riches connaissent. Ma voix s'étend de trappe Rodez jusqu'au beau maître. Fais-moi une passe, je te ferai une passe d'aise. Y'a trop de crasseurs, frérot, non là c'est la S. Après ça se traîne au jour la nuit. J'ai crainte comme mon avenir. Papa m'a dit destin choisi au virage de la vie. J'ai trop rêvé de tout qu'un terre des ICE ou qu'un. Je suis les fans, problèmes s'avèrent des antilles. Je représente Rodez, la famille. Telle embarque les mauvais yeux lunatiques. Et si demain je calme, c'est que tout pack de son fit. Je trouve énerve quand je kick, c'est du one shot, pas de limite. Que du vrai, du vécu, j'ai jamais donné mon cul. Ça a la gloire de mon père, même si ma mère a pas de château. Ouais, je viens du terre-terre comme le roi. Negro, 11h du matin posé en chaîne, Ken ou DSP. Pour mes patins, y'a plus de deal entre Ken et BSD. Reste à parler dans mon dos comme des chacals. Je reste dans mon studio, où c'est un match amical. Dans la Vito sur Sky, freestyle 3 en approche. La base c'est le 11 mai, manque plus qu'à me signer. Yeah. Yes, Vito à l'instant en freestyle ce soir dans Planète Rap pour bien débuter la semaine. Merci à toi, Vito. Merci à toi, enfin, merci à tout le monde. Et petit message à passer, petit dédicace, on peut te retrouver sur le net aussi, vas-y, c'est le moment ou jamais. Ouais, ouais, pour me trouver, vous tapez Vito, V-I-T-O, espace U, Y-O-O-V, musique, M-U-S-I-C sur YouTube. Il y a tous les liens dans la description. Et sinon, mon mixtape arrive le 11 mai, la base, et voilà, on va tout défoncer. Et merci d'avoir été avec nous en tout cas ce soir, Vito. Merci. Ciao, ciao. Ciao, dégage. À la freestyle par téléphone tous les soirs, vous venez rapper dans l'émission 41759. Célasso est avec nous avec son album Reason qui sort dans une semaine. On va le découvrir. Et il y a un morceau donc sur cet album qui s'appelle Together. C'est le seul featuring de l'album, celui-ci, Célasso. Oui. Quelques chansons demandent pour une featuring. Et vraiment, Together demander à un feature. Avec toi, tu n'es pas toute seule. Évidemment, si c'est un featuring, c'est avec Childish Gambino, qui est un rappeur américain. Hein. Oui. Que tu as rencontré comment? C'est aussi mon producteur, Ludwig Göransson, est aussi le producteur de Childish Gambino. Et tout le monde habite à Los Angeles, tous les artistes et producteurs, maintenant c'est le place to be. Donc il habite 10 minutes de studio. Donc toi, c'était en studio? Oui. La connexion s'est faite? Oui. Mec sympa? Voilà, vraiment sympa. Mmh. C'était une atmosphère parfaite. Et le résultat, c'est ce morceau qu'on va écouter maintenant. Le titre de Célasso s'appelle Together. Through the night sky, I know we're broken parts. sign. Woo! Got the one thing that I couldn't buy. Yeah. Niggas so mad when I walk through. Yeah. With you on my arm, what they gon' do? Yeah. Woman in my life, you the top two. Yeah. Hi mom, hi mom. Lights on, lights on, lights on, lights on. Dialogue, dialogue. Rap like this, you an icon. Yeah. Blue jeans sounding like a pipe bomb. You and me together, maybe we can do it. First summer ever, but we got through it. Got through it. Talk about the money, I was getting yeah. to it. Where you wanna go? Where you wanna go? Together à l'instant avec Selassou, avec Childish Gambino, qui est présent également sur ce morceau. C'est le seul featuring de l'album Reason, l'album qui sort dans une semaine, le 30 mars. Ça y est, de retour dans les bacs, Selassou avec nous aussi toute la semaine, on va pouvoir découvrir cet album. Est-ce que il y a eu des petits moments de doute sur l'écriture de cet album, Selassou? Est-ce qu'à un moment tu t'es retrouvé devant la feuille blanche et te dire de doute. Ah, je vais pas y arriver. Ah oui, tout c'est le temps. Oui, oui, oui. Tout le temps, des doutes. C'est vrai, tout le temps? Ouais. Des... Mais c'est important de let it go. Parce que quand je when I follow my heart, I would never let it go, you know, because it's never finished. C'est jamais fini. Donc quand tu suis ton cœur, c'est ça si je comprends bien? Oui. C'est jamais fini en non, fait. Non, non. Voilà. Mais tu dois vraiment laisser ça. Qu'est-ce qui a été par rapport au premier, si on se réfère au premier album, oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur à faire sur celui-ci? Le plus compliqué? Comparaison. Ouais. Si on compare les deux, si on compare le premier et le deuxième, mm-hmm. qu'est-ce qui t'a paru le plus dur sur le deuxième. Le deuxième. Ah oui, parce que maintenant je suis plus âgée et je sais que je veux. Et avec le premier, je sais pas, un kick and a snare and a bass, je sais pas c'est quoi. Mais maintenant je sais quel son et quelle manière et quelle production. Donc c'est oui. Le premier, c'était un peu de l'instinct. Il y avait de l'instinct, instinctif. Oui, bref, oui. Et aussi, je m'en fous un petit peu avec le premier. J'étais fatiguée. J'étais ok. Ah oui, ça va. Tu pensais qu'il aurait quand même une telle durée de vie, cet album, ce premier album, le fait que tu tournes pendant 2 ans et demi. Tu pensais à ça ou pas quand tu l'as fait, ou c'était vraiment instinctif en disant, je sais pas où il va m'emmener quelque part cet album. Dis-moi encore. Alors, tu veux lui traduire en anglais, peut-être? Non, juste si on se réfère en effet au premier album, oui. Est-ce que quand tu l'as sorti, oui. t'aurais jamais pu imaginer voyager autant? Non. Faire autant de concerts, oui. rencontrer autant de personnes? Voilà, oui. Jamais expecté, tu. Mm. Non, jamais, jamais, jamais. Oui, c'est incroyable. Mais c'est aussi bien pour apprendre to know what I want now better, you know? Voilà. Pour savoir un petit peu, on l'a avec cet album, on l'a preuve avec cet album qui s'appelle Reason. Tu vas nous faire un live dans quelques minutes mm-hmm. sur le son de Major Lazer, hein, le titre Get Free. Oui. Parce que je crois qu'on peut le dire, hein, tu seras présente sur le projet de Major Lazer qui sortira avant l'été. Oui. T'as bien bossé avec Diplo. Oui, très cool. Très cool aussi. Je suis vraiment fière. Belle rencontre avec Diplo. Rencontre pas déjà. Ah, pas encore? Non, pas encore, non. Mais rencontre musicale déjà, dans un premier temps. Oui. Voilà, oui. Dans un premier temps. Donc ça, tu nous feras un live dans quelques minutes. Juste avant, sur Skyrock, on va écouter un titre, un morceau qui s'appelle I Won't Go For More. Mm-hmm. It's correct for the c'est pronunciation correct. C'est correct. I Won't Go For More. N'hésite pas, si on fait cours d'anglais aussi hein, cette semaine. N'hésite pas à me dire. C'est un morceau qui était sorti, il y a un EP aussi qui est arrivé, hein, c'est là. Oui. Juste avant cet album, un petit EP qui est sorti. Ouais. Où on pourrait retrouver certains morceaux, dont celui-ci. I Won't Go For More, c'est la sous, c'est extrait de l'album Reason qui sort la semaine prochaine. I would do it. What is in my heart? Let it ring through you. I will sing for you. I will sing for you. What is in my heart? Let it ring through you. But I won't go for more. I won't go for more till the rain stops. I won't go for more. I won't go for more till the haze drops. Entre 20 et 21, l'album s'appelle Reason. Un extrait à l'instant, I Won't Go For More, c'est ce qu'on écoutait. Un petit mot sur celui-ci, comment il est né, c'est là, celui-ci, ce morceau? C'est écrit sur la guitare, une des chansons qui sont écrites sur la guitare. Et voilà, donc... Il faut dire que tu te balades toujours avec ta guitare en même temps. Quoi? Tu te balades toujours avec ta guitare, t'as toujours ta guitare près de toi. Oui, voilà, c'est facile aussi. Pour faire des promos et tout. Pour jouer dans les aéroports, dans les gares aussi, parce que de temps en temps, tu improvises des petits concerts. Oui, oui. Il y a des vidéos qu'on a pu voir à Gare du Nord, tu as fait Zurich, tu as fait évidemment Bruxelles, où tu as joué. Et puis voilà, dès qu'il y a un piano, dès qu'il y a une guitare, tu joues. Oui. I play all places where I travel and where I wait. Je joue dans toutes les villes où j'ai voyagé et où j'attends, en fait. Voilà, en fait, tu prends ta guitare, tu joues. Voilà. T'es toujours autant passionné par la musique, t'es toujours, c'est toujours autant partie de toi, la musique. Yeah, then I don't have the feeling that I waste my time by waiting or traveling. Et après, ça m'enlève l'impression de perdre mon temps en attendant quand je voyage. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de chansons, justement, qui sont nées entre deux aéroports, entre deux gares sur cet album? J'écris une chanson à Jamaïque, j'ai écrit une chanson à Londres, mais pas vraiment dans les gares. Ouais. Mais il y a des petits bouts peut-être qui naissent dans, voilà, des petites idées qui naissent. Yeah, for sure, possible. Possible. Ouais. Vous pourrez découvrir l'album Reason la semaine prochaine et toute la semaine aussi sur Skyrock entre 20 et 21. Est-ce que tu es prête à nous faire un live maintenant, Stella? Ok, je vais essayer. Avec ta jolie voix, est-ce que tu es prête à offrir ça à la France entière qui est en train de t'écouter? Ok. C'est sur l'instru de Major Lazer, Get Free. Et c'est en live maintenant dans Planète Rap, c'est la sou. Of course. Look at me, I just can't believe what they've done to me. We can never get free, I just wanna be. Look at me, I just can't believe what they've done to me. We can never get free, I just wanna be. I just wanna dream. Do we have a friend? Oh, good. Coming down, feeling like a battery head. Waves won't break till the tide comes in. What will I do in the sunrise? What will I do without my dreams? Yeah. Look at me, I just can't believe what they've done to me. En live dans Planète Rap et cette reprise de Get Free. No more vocals. Merci, c'est là à l'instant en live dans Planète Rap. Avant de se quitter, on va mettre le morceau Alone et on va retrouver Gizmo à ses côtés. C'est la Sou est là tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Et puis dans un instant aussi, juste avant de retrouver la radio libre de Difool, on fera tourner ensemble la roulette. Tant pis, je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin. Je suis pas bien, je me balade en ville le soir. J'ai des flashs de tous les deux. Faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on cache. Ça s'est passé sous tes yeux. Tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin, bien sûr que je me rappelle de toi. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu oublies ton amertume. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu perds tout ton temps dans l'amertume. C'est la Sou, c'est notre invité tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. On l'a retrouvé aux côtés de Gizmo à l'instant pour Alone. C'est la Sou qui reviendra aussi demain entre 20 et 21 pour la suite de son Planète Rap. Dans un instant, Difool, la radio libre et juste avant la roulette qui tourne. Comment ça va les amis? Skyrock t'offre le voilà tour de Kev Adams. Moi, c'est Kev Adams. Plus l'intégrale de Tupac en CD. California. C'est génial. Salut Amine. Salut. De Toulouse, comment ça va Amine? Ça va, très bien, ça va. Tu es écoute, en pleine forme. Prêt à faire tourner la roulette Amine, on y va? Allez, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est l'intégrale. Tupac a chopé les places pour Kev Adams. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Amine, sur la case, c'est... California. Eh hey mec, c'est la totale. Totale pour toi. Ouais. Kev Adams, merci. Du côté de Toulouse, le 3 juin, t'as tes deux places. Et, parfait. Et l'intégrale de Tupac. C'est aussi pour toi. Merci beaucoup. À l'occasion des 20 ans anniversaire, hein, 20 ans déjà, la sortie de Me Against the World, album culte, hein, de Tupac. Tu le retrouveras évidemment parmi l'intégrale. D'accord. On t'envoie tout ça à Toulouse. Merci beaucoup. Petit message, petite dédicace, Amine. Oui, une dédicace pour mes potos, Mohad, Bilal et mon petit Bobo qui est devant moi. Ah, petit Bobo. Bah, eh ben ça roule. A plus, Amine. Merci. Et par rapport au. Ne bouge pas. Comment on fait tout ça? Amine, ne bouge pas. Trop pressé, d'accord, Amine. Okay, ne bouge pas, okay, on va prendre tes coordonnées. T'inquiète pas, c'est dans un instant. On va récupérer ça tout de suite, d'ailleurs, Amine, toutes tes coordonnées. Et puis, dans un instant, la radio libre de Default, avec toute l'équipe qui est en train de se préparer maintenant sur Skyrock. Le temps pour moi de vous filer en quart demain, 20-21, sur Skyrock. Ce sera avec Célassou. Tout le monde est en place, l'équipe, Default? Ouais. On est là, Fredo. On est là. C'est parti pour la radio libre. Eh ben, on y va, Fred. Merci à toi. Ciao, demain Fredo. Soir, c'est la sou à partir de 20h, 21h. C'est Planète Rap, c'est à pas louper. C'est en direct sur Skyrock pour ce soir. La radio libre arrive tout de suite avec le nouveau Florida. Florida, le tout nouveau. Mais oui, Marie, comme tu le dis si bien. Mais on le dit bien, on a appris. C'est ça, Marie. Voilà, c'est ça. Une américaine. Marie, l'américaine, est là avec exactement. Nous, ça fait plaisir. Allez, on vous attend en direct, 01 53 40 30 20, vous nous appelez au 41 759 sur la playlist Skyrock, vous nous laissez vos messages et Florida arrive tout de suite sur Sky. 1500 euros.